Or, Jéricho s'était soigneusement barricadé contre les Israélites. Personne n'en sortait, personne n'y entrait. Yahweh dit alors à Josué, « Vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi. Vous, tous les combattants, vaillants guerriers, vous contournerez la ville pour en faire une fois le tour. Et pendant 6 jours, tu feras de même. Mais 7 prêtres porteront 7 trompes en avant de l'arche. L'arche, coffret de bois, contenant les tables de la loi, donnée par Dieu Yahweh à Moïse, elle était le symbole de l'alliance de Dieu avec le peuple hébreu. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompe. Lorsque la corne du bélier retentira, quand vous entendrez le son de la trompe, tout le peuple poussera une formidable cri de guerre et le mur de la ville s'effondrera sur place. Alors, le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, « Prenez l'arche d'alliance et que 7 prêtres portent 7 trompes en corne de bélier en avant de l'arche de Yahweh. » Il dit au peuple, « Passez et faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe sur le front de l'arche de Yahweh. » Il fut fait selon l'ordre donné par Josué au peuple. 7 prêtres, portant les 7 trompes en corne de bélier devant Yahweh, passèrent et sonnèrent de la trompe, l'arche de l'alliance de Yahweh venant après eux. L'avant-garde précédant les prêtres qui sonnaient de la trompe et l'arrière-garde venant après l'arche. Et l'on allait, et l'on sonnait de la trompe. Au peuple, Josué avait donné l'ordre suivant. Ne criez pas, et ne faites pas entendre votre voix. Qu'il ne sorte aucun mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez le cri de guerre, alors vous crierez. Josué fit faire à l'arche de Yahweh le tour de la ville en la contournant 1 fois. Puis on rentra au camp où l'on passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les prêtres prirent l'arche de Yahweh. Munis des 7 trompes en corne de bélier, les 7 prêtres, marchant devant l'arche de Yahweh, sonnaient de leurs instruments pendant la marche, tandis que l'avant-garde allait devant eux et l'arrière-garde à la suite de l'arche de Yahweh, et que l'on défilait au son de la trompe. On fit le tour de la ville le 2nd jour, 1 fois, et l'on rentra au camp, ce que l'on fit ensuite pendant 6 jours. Le 7e jour, s'étant levé dès l'aurore, ils firent le tour de la ville selon le même rite, 7 fois. C'est seulement ce jour-là qu'on fit 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, les prêtres sonnèrent de la trompe, et Josué dit au peuple, « Poussez le cri de guerre, car Yahweh vous a livré la ville. » Le peuple cria, et l'on fit retentir les trompes. Quand il entendit le son de la trompe, le peuple poussa un cri de guerre formidable, et le rempart s'écroula sur lui-même. Aussitôt, le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'en emparèrent. Ils appliquèrent l'anathème à tout ce qui se trouvait dans la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes, les passant au fil de l'épée.